France Inter, le 13-14. Dans le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun, deux étudiants. Le premier, c'est Malik Oussekine. En 86, il était mort après avoir été battu par des voltigeurs de police. Une série lui est consacrée cette semaine sur Netflix. Le destin du second est raconté dans un film au cinéma cette semaine. Il s'appelle Grégory Przemyszko. C'est à Varsovie, en 1983, qu'il était tombé sous les coups des matraques des miliciens polonais. Le rapprochement est tentant. Alors, le drame qui s'est déroulé en 86 rue Monsieur le Prince à Paris, c'est bien plus qu'un fait divers. Le ministre de l'Enseignement supérieur, De Vaquet, avait lancé en service commandé une réforme qui avait déclenché de nombreuses manifestations. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, avait averti le Premier ministre Chirac, attention, les lycéens vulnérables vont rejoindre les manifestants, réduit la voilure. Chirac avait répondu, un capitaine ne change pas de cap au premier coup de vent. Le cothurne de Pasqua à l'intérieur, Robert Pandreau, on les appelait Starsky et Hutch, mais ils s'entendaient mal, venait de recréer une unité de policiers voltigeurs à moto. Dans la nuit du 5 décembre, deux d'entre eux s'en prirent à Oussekine, d'origine algérienne, un jeune homme qui souffrait d'insuffisance rénale. Et la mort de Malik Oussekine a laissé une trace profonde. Quand je passe, moi, rue Monsieur le Prince, je choisis toujours la portion de trottoir où a été scellée une plaque à sa mémoire. Pour ma part, je me souviens surtout d'un moment explosif de la traditionnelle confrontation gauche-droite. Antoine Chevrolier, le réalisateur de la série de cette semaine, parle, lui, d'une grande affaire française et a choisi d'insister aussi sur sa dimension familiale. Rachid Bouchareb, l'auteur d'Indigène, va présenter une autre version en avant-première de Cannes. On peut parier que l'accent sera mis sur l'affaire franco-algérienne. L'autre film dont vous voulez parler se passe à Varsovie, très peu d'années auparavant. Est-ce que c'est une affaire polonaise? Non, comme l'affaire Oussekine, c'est bien davantage. Nous sommes en 83, le général Jaruzelski, en 81, en service commandé par Moscou, avait imposé l'état de siège. On en sortait à peine. Interpellé par des miliciens, le jeune Grégor Przemyszko affirme qu'il n'est plus obligatoire maintenant de présenter ses papiers, même s'il les a sur soi. Il est tabassé à mort, lui aussi. Il était le fils d'une poétesse militante de Solidarność, le syndicat qui tenait tête au régime depuis des années. Son enterrement rassemble une foule considérable. Il est célébré par le père Populeszko, dont les prêches chaque semaine saluent les victimes de la répression. Ni en France, ni en Pologne, les autorités ne peuvent empêcher un procès. Qu'en France, deux policiers comparaissent, ça étonne. Pasqua et Pandreau, Starsky et Hutch, avaient habitué l'opinion à protéger l'uniforme en toutes circonstances. Les deux prévenus sont condamnés, mais seulement à des peines avec sursis. En Pologne, ceux qui comparaissent sont les ambulanciers, qui n'auraient pas transporté Przemyszko assez vite à l'hôpital. Vous voyez que la comparaison entre les régimes des deux pays ne fonctionne pas jusqu'au bout. En France, on ne sache pas qu'il se soit produit quelque chose d'aussi atroce qu'à Varsovie en 84. Le père Popieluszko a alors été enlevé, torturé à mort, jeté, défiguré dans un réservoir de la Vistule. Et pourtant, vous maintenez le rapprochement. Je suis étonné qu'on soit si peu nombreux à le faire, ce rapprochement. J'ai un début d'interprétation. La série Oussekine montre bien comment la famille a été broyée par le conflit idéologique droite-gauche, si facile à déployer en pareilles circonstances. Faut pas oublier qu'en 86, nous sommes en période de cohabitation. Le président Mitterrand descend aussitôt de son balcon pour aller rendre visite aux parents de Malik à Meudon, sa berline garée ostensiblement dans le quartier. Un an auparavant, encore en possession de tous ses pouvoirs, il avait reçu Jaruzelski pendant une heure à l'Élysée. Encore un souvenir. Bien plus tôt dans le règne, l'automne 81, Lech Walesa, le leader du syndicat Solidarność, qui était venu à Paris, et le journal auquel j'appartenais, La Croix, l'avait invité à déclencher les rotatives de l'édition du jour. Les ouvriers cégétistes de l'imprimerie avaient menacé de se mettre en grève s'il était fait cet honneur à cet ennemi de la classe ouvrière. Faut l'avoir vu pour le croire. Une partie de la gauche française a mis du temps à admettre que les dictatures communistes étaient une imposture. Il ne lui vient toujours pas spontanément à l'esprit que Walesa, la famille de Przemyszko ou le père Populeszko peuvent être aussi des héros. Jean Lebrun, le vif de l'histoire tous les jours avant 14h et le vendredi à 18h. Intelligence Service, demain, Georges Sand et la campagne. France Inter.